الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا بإذن الله عز وجل مجلسنا الثاني في هذا الأمر المهم في حياة المسلم، ألا وهو توحيد رب العالمين. والتوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، قال: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الفوائد. من الله سبحانه وتعالى سي نوتخو دوزيام اسيز اوتور دو مونوثيزم. لو مونوثيزم كي لو سوجي برينسيبال دون لا في دو سومي الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله نو دي دون سون ليفغ الفوائد: لي دورتي دو لا في دو سو با موند نون جامي ايتي روبوسي بار كيلكو شوز كو بار لو توحيد. سي بور سا كو لو دعاء دو سولي كي اون ديتريس c'est le monothéisme, comme la da'wa du prophète alayhi salatu salam Younous, et cette da'wa de Younous alayhi salatu salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Toute personne qui en détresse qui fait ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala dissipe sa détresse et le soulage, le jette dans la détresse et dans les difficultés énormes que le polythéisme. Il nous sauve des détresses et des situations sévères que le monothéisme. Le monothéisme, c'est l'échappatoire de toute la créature. C'est sa citadelle de protection. C'est son secours. Fin des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ayyuha al-ahibbatu fillah, kama la yakhfa ala sharifi ilmikum, anna Allah azza wa jal خلق الثقلين الجن والإنس لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وفي الآية بيان عظام شأن التوحيد، إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له. وقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أنه لا يؤمر ولا ينهى. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فظهر جليا في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن حكمة الخلق هو إفراد الله بالعبادة، فما خلقوا إلا لأجل هذا، ولذلك خلقهم سبحانه وتعالى. فمن الله سبحانه وتعالى il n'échappe pas à votre honorable connaissance qu'Allah سبحانه وتعالى a créé les djinns et les humains pour un noble but qui est son adoration exclusive سبحانه وتعالى sans aucun associé, comme cela est bien clarifié dans le verset dont la traduction approximative nous dit cela: je n'ai créé les djinns et les humains que pour me réserver le culte exclusivement. Ce verset est un éclaircissement sur l'importance du tawhid. vu que toutes les créatures n'ont été créées que pour cela. Dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit « L'homme pense-t-il qu'il sera laissé à l'abandon » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé sans qu'on lui ordonne quelque chose, sans qu'il lui ait interdit des choses, et sans qu'il le fasse mourir, et sans qu'il le fasse ressusciter et lui faire les comptes. Abadan. Et dans l'autre verset, il est dit « Ô gens, réservez le culte à votre Seigneur ». Ce qui veut dire, vous devez lui réserver le culte exclusivement et n'adorer que lui. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'humanité le but pour lequel ils ont été créés et pour lequel les messagers ont été envoyés, alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal a annoncé qu'il n'a pas besoin de ses créatures. C'est eux qui ont besoin de lui. Mais, dans le verset nous dit, dans la traduction approximative du sens, je n'attends d'eux ni subsistance, ni nourriture, car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le déteneur de la force inébranlable. Et on voit clairement que dans le verset dans Surat Dariyat, qu'il est bien clarifié dans ce verset le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour me réserver le culte. Ils n'ont pas été créés pour autre chose que pour ce but, hein, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى أمر الناس بعبادته وحده لا شريك له وترك ما سواه قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويستفاد من هذه الآية أن الرسالة عمت كل الأمم وأن دين الأنبياء واحد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأن العبادة لا تصح من الإنسان إلا إذا كفر بالطاغوت فلا بد من الكفر بالطاغوت لا بد من إفراده بالعبادة والكفر بما يعبد دونه سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فالمعبود كالأصنام والمتبوع كالكهان والسحرة والمطاع كالأمراء والعلماء إذا ما أمروا بمعصية الله وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم الرسول بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي وحدوا الله بالعبادة واتركوا وفارقوا عبادة ما سواه ولهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وفي قوله عز وجل اعبدوا الله هذا فيه إثبات العبادة لله وحده لا شريك له وفي قوله واجتنبوا الطاغوت فيه النفي نفي العبادة عن كل ما يعبد من دون الله عز وجل وهذه طريقة القرآن يقرن بين النفي والإثبات إثبات العبادة لله ونفيها عما سوى الله سبحانه وتعالى والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون نفي لا يمكن أن يكون توحيدا فالتوحيد متضمن للإثبات والنفي معا وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة معنى لا إله إلا الله فالذي يثبت وينفي هو الموحد والذي يثبت ولا ينفي هو المشرك والذي ينفي ولا يثبت هو الملحد فلا بد للمسلم لكي يكون موحدا حقيقيا أن يثبت وينفي، يثبت العبادة لله وينفيها عما سوى الله سبحانه وتعالى. من الله سبحانه وتعالى الله أوردوني وجون de lui réserver le culte exclusivement et de ne pas lui donner un associé. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On retient de ce verset que toutes les communautés ont eu un messager. Et que la religion du messager alayhi salatu wassalam est unique. C'est l'accomplissement du monothéisme. C'est l'appel vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration ne saurait être valide que quand on s'écarte de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit concernant Tarot, c'est tout ce qui a dépassé ses limites. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah a dépassé ses limites. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi ce que les gens adorent et parmi ceux à qui ils obéissent, dont la désobéissance à Allah, et parmi ceux qu'ils suivent, dans ce qu'il voue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est un tarot. Bien sûr, il est considéré comme tarot s'il est lui-même satisfait et agréé l'adoration qu'on lui voue. Hein? S'il est satisfait, il agréé l'adoration qu'on lui voue, c'est un tarot. Et partant de là, l'exception est faite des prophètes qui ont été adorés parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'ont pas appelé à cela. Que ce soit Isa, que ce soit l'Uzel, que ce soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est vertueux de cette communauté. Hein? Donc l'adorer, ce sont des idoles. Ce qu'on suit, ce sont les devins, les sorciers. Et ceux à qui on obéit, ce sont les gouverneurs et les hommes de science s'ils ordonnent une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Dans ces cas-là, on les a suivis dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Et s'ils appellent vers le politique, c'est encore plus grave. Allah azza wa jal a annoncé dans ce verset qu'il a envoyé à chaque groupe, chaque génération, chaque communauté un messager depuis l'apparition du polythéisme dont le peuple de Nuh alayhi salatu wassalam jusqu'à ce que il a scellé les messages et les messagers par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au dernier message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi l'envoi des messagers? Tout simplement pour ordonner aux gens uniquement l'adoration d'Allah exclusivement, pour qu'ils appellent les gens à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, adorez Allah et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Ce qui veut dire réservez le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et détachez-vous et délaissez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. C'est pour ce but que la créature a été créée. Et c'est pour ce but que les messagers ont été envoyés. Et c'est pour ce but que les livres ont été révélés. Dans l'expression du verset « Adorez Allah », il y a l'affirmation. L'affirmation de l'adoration, que l'adoration doit être réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'expression « Éviter ce qui s'adore en dehors d'Allah », il y a la négation. Et ça, c'est la voie du Coran. Il réunit l'affirmation de l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et affirme celle-ci uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. La négation seule, ce n'est pas du tawhid, ce n'est pas du monothéisme. Et l'affirmation seule, ce n'est pas non, sans la négation, ce n'est pas du tawhid non plus. Le tawhid, le monothéisme, englobe l'affirmation et la négation. Et c'est ça la réalité du tawhid. Et la réalité de la signification de la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. Donc celui qui affirme et renie, c'est le monothéiste. Et celui qui affirme et qui ne renie pas, c'est le polythéiste. Et celui qui renie et n'affirme pas, c'est le athée. Le verset nous clarifie sur l'importance du tawhid. Et ce verset accomplit aussi la preuve sur les créatures. Donc celui qui adore Allah et ne rejette pas tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, ce n'est pas un monothéiste. Combien il est énorme l'ignorance de ce point à notre époque. Celui qui adore Allah et ne croit pas en la nullité de l'adoration des tombes, ce n'est pas un monothéiste. Comme ceci, on le voit, on le remarque dans beaucoup de pays. فَمَنْ عَبَدَا وَفِي الْآيَةِ بَيَانُ عِظَامِ شَأْنِ التَّوْحِيدِ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ عَبَدَا اللَّهَ وَلَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَلَيْسَ بِمُوَحِّدٍ وَمَا أَكْثَرَ الْجَهْلَ بِذَلِكَ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ عِبَادَةِ الْقُبُورِ فَهُوَ غَيْرُ مُوَحِّدٍ قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أي أمر سبحانه وتعالى ووصى وأوجب على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام أن يعبد وحده دون ما سواه. والمراد بالقضاء هنا في الآية القضاء الشرعي والأمر الديني. واشتملت هذه الآيات على جملة من الشرائع وابتدأت بالتوحيد فدل على أنه أوجب الواجبات إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالمهم. وختمت الآيات بالنهي عن الشرك فدل على أنه أعظم المحرمات. وتنت الآيات بالإحسان إلى الوالدين فقد قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إليهما بعبادته جل في علاه للتنبيه على فضل الوالدين وتأكيد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. فالبر بهما من أسباب دخول الجنة. ولم يخص سبحانه وتعالى نوعا من أنواع الإحسان إليهما ليعم جميع أنواعه جميع أنواع الإحسان من لين الكلام والدعاء لهما وخدمتهما وما إلى ذلك. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. فأعمال العبد من صلاة وزكاة واستغفار وغير ذلك لا تقبل إلا إذا وحد الله سبحانه وتعالى. وإفراده بالعبادة وأفرده بالعبادة وغير ذلك لا. وتسمى هذه الآية آية الحقوق، آية الحقوق العشرة هكذا سماها أهل العلم، وذلك لأنها تضمنت 10 حقوق، وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات، وفيها تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وحده لا شريك له. قال عز وجل في هذه الآية، آية الحقوق 10: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالحق الأول فيها حق الله، الحق الثاني حق الوالدين، والحق الثالث حق القرابة، والحق الرابع حق المساكين، والخامس حق اليتامى، والسادس حق الجار بالجار القريب، من له قرابة له حق القرابة وحق الجوار، والحق السابع فيها الجار الذي ليس له قرابة له حق الجوار، والحق الثامن هو حق الصاحب بالجن، قيل أنه الزوجة، وقيل رفيق السفر، وقيل الصاحب مطلقا. والحق التاسع هو حق ابن السبيل، وهو الغريب، سواء احتاج أم لم يحتاج فله حق. والحق العاشر ملك اليمين من البهائم والآدميين بكفايتهم وعدم تحميلهم ما لا يطيقون. فهذه الحقوق 10 التي ذكرت في هذه الآية التي سماها العلماء آية الحقوق 10. وتأمل كيف بودئت بالتوحيد، بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. Dans l'autre verset cité ici, dans ce chapitre, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, Muhammad, qui dorkaat barakallah. La salutation de la mosquée, dorkaat, inshallah, barakallah. Dans l'autre verset cité ici, dans ce chapitre, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos parents. Jusqu'à la fin du verset. Allah Azza wa Jal, par le biais de ses messagers, a ordonné de lui réserver le culte exclusivement sans aucun associé. Ce verset, dans Sourate Nisa, contient un ensemble de législations. Le verset commence par le tawhid. Cela prouve que c'est l'obligation la plus importante, car on ne commence qu'avec le plus important. Et il a été clôturé par l'interdiction du shirk, du polythéisme. Et cela prouve que c'est la plus grave et la plus dangereuse interdiction. Après l'ordre du tawhid est venu dans ce verset, tout de suite après, l'ordre d'être bon envers les parents. Et cela pour attirer notre attention sur leurs droits et pour nous faire comprendre qu'il est parmi les droits les plus importants, les droits des parents. Il est très important et il vient après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans beaucoup de versets. La bonté envers les parents est un moyen et une cause pour arriver au paradis. Allah Azza wa Jal n'a désigné aucune sorte de bonté envers les parents pour que cela englobe toute forme de bonté envers eux, comme le fait de s'adresser à eux de la meilleure des façons et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux et d'être à leur service et ainsi de suite. Dans l'autre verset dans Sourate Nisa, ici il est dit: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses soumis de lui réserver le culte exclusivement sans lui donner aucun associé. Car il est subhanahu wa ta'ala le créateur unique, le subveneur unique de la subsistance, le seul qui comble de bienfaits et de grâces toutes ses créatures. Donc c'est à lui seul et c'est lui seul qui mérite qu'on lui réserve le culte, sans lui donner aucun associé. Et il a accompagné l'ordre de lui réserver le culte par l'interdiction du shirk. Cela prouve que s'éloigner du shirk est une condition de la validité de l'adoration. Les actes d'adoration du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la zakat, les invocations et autres, ne seront acceptés qu'avec le tawhid. Sans le tawhid, c'est peine perdue. Ce verset dans Surat Nisa, les hommes de science l'appellent le verset des 10 droits. Car il contient 10 droits et il commence avec l'ordre du tawhid et l'interdiction du shirk. Cela prouve que le tawhid, c'est le summum des obligations et que le shirk, c'est la plus grave et la plus dangereuse interdiction. Le verset contient aussi la signification du tawhid, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset des 10 droits nous dit dans sa traduction approximative du sens: adorez Allah sans rien lui associer et faites preuve de bienfaisance envers vos parents, envers les proches, envers les orphelins, envers les pauvres, envers le voisin proche, le voisin éloigné, le compagnon, le voyageur et ceux qui sont sous votre joc. Allah n'aime pas tout présomptueux, arrogant. On remarque que le premier droit cité dans ce verset, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième droit qui vient juste après le droit d'Allah, c'est le droit des parents et la bonté envers les parents. Le troisième droit, c'est le droit des proches, ceux avec qui on a des liens de sang. Le quatrième droit, c'est le droit des orphelins. Et le cinquième droit, c'est le droit des pauvres. Le sixième étant le droit des voisins avec lesquels on a un lien de sang. Et le septième, ils ont 2 droits, le droit du lien du sang et le droit du voisinage en même temps. Le septième droit cité ici, c'est le droit du voisin avec lequel on n'a aucun lien de sang. Ils ont le droit du voisinage. Et le huitième droit, c'est le droit du compagnon. Et le terme compagnon, les hommes de science lui ont donné beaucoup de signification. Ils ont dit que cela désigne l'épouse, parce qu'il est tout le temps en compagnie de son mari. Ils ont dit que c'est le compagnon du voyage. Et ils ont dit aussi que c'est le compagnon dans le sens absolu du terme. Hein? Tout ce qui signifie que c'est un compagnon, bakhlas, il a ce droit-là. Hein? Le 9e droit cité ici, c'est l'étranger de passage, qu'il soit dans la difficulté ou qu'il ne le soit pas. Il a un droit. Et le 10e droit, c'est le droit de ceux qui sont sous votre tutelle, que ce soit les animaux, que ce soit les humains. On n'a pas le droit de leur imposer ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et quand on leur impose ce qu'ils ne peuvent pas faire, on doit les aider à le faire. Hein? Ça, c'est le verset dans lequel sont cités les 10 droits. Et on voit comment ils sont commencés par le droit suprême, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا يفيدنا أهمية هذه الأمور المذكورة في هذه الآية. وقد بدأت هذه الآية بالنهي عن الشرك المنافي للتوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى أمته بشيء لأوصى بها. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات جملا من المحرمات، ابتدأها بالنهي عن الشرك فدل على أنه أعظم المحرمات. ومما يدل على عظم شأن هذه الآيات أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يرى أنها اشتملت على الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فدل هذا الحديث على أن حق الله على العباد هو إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه بها ويتجردوا من الشرك صغيره وكبيره، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. وفضل الله على أهل التوحيد عظيم وعطاؤه جزيل، فقد أراد معاذ رضي الله عنه أن يبشر الناس بفضل التوحيد وفضل من تمسك به عند الله، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم مخافة أن يعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادل من ظاهر الحديث. وأفاد الحديث استحباب بشارة المسلم بما يسره من أمر الدين والدنيا، وأفاد كذلك جواز كتمان العلم للمصلحة. إذن الحديث دون سو شابيتر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الى دي كيكونك veut voir le testament de Muhammad صلى الله عليه وسلم sur lequel il aurait pu poser son sceau, autrement dit celui qu'il aurait pu mettre à l'écrit sur lequel il aurait pu apposer son cachet, qu'il lise les versets suivants dans Sourate Al-Bestia. Dit, dans la traduction approximative, nous dit cela: dis-leur, ya Muhammad, venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bons avec vos parents. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, car si nous qui pourvoyons à votre subsistance, ainsi qu'à la leur. N'approchez pas les turpitudes manifestes ou cachées, et ne tuez pas celui dont Allah a interdit de tuer, si ce n'est de plein droit. Voilà ce qu'il vous ordonne, afin que vous raisonniez. Allah Azza wa Jal a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses associateurs qui adorent autre qu'Allah, venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Et il a cité subhanahu wa ta'ala dans ce verset un certain nombre d'interdits, en commençant par l'interdiction du polythéisme. Cela prouve que c'est le plus grave et le plus dangereux des interdits. Ce qui prouve l'importance de ces versets, Ibn Mas'ud voit qu'ils englobent toute la religion comme un testament qui porte le sceau du messager alayhi salatu wassalam qu'il a laissé à sa communauté. Et dans les authentiques, le hadith de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu wa ardah, qui a dit, j'étais monté en croupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Et il m'a dit, ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah envers les serviteurs et quel est le droit des serviteurs envers Allah? Je dis, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, alayhi salatu wassalam, le droit des serviteurs envers Allah, c'est qu'il lui vaut une adoration exclusive et qu'il lui associe rien. Et le droit de ces derniers sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Mu'ad dit, ô messager d'Allah, puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, ne leur annonce pas de peur qu'ils ne comptent là-dessus, qu'ils ne comptent que là-dessus. Le hadith nous prouve que le droit d'Allah, c'est de lui réserver le culte exclusivement, sans aucun associé. Et c'est cela le tawhid. Le rapport de ce hadith avec ce chapitre, c'est que ce hadith, il y a la clarification du tawhid. Et comme il dit la parole du messager alayhi salatu wassalam, le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'il lui réserve le culte et qu'il se dépouille de toutes sortes d'associations, mineures ou majeures, car celui qui ne se dépouille pas de l'association, il n'a pas accompli l'adoration. Il n'a pas accompli l'adoration demandée et il a mis quelque chose au même rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mérites du tawhid sont énormes. C'est pour cela que Mu'ad, radiyallahu anhu arda, après que le messager lui a clarifié cela, il voulait annoncer la bonne nouvelle aux gens pour qu'ils en soient heureux. Le prophète l'en a empêché de peur que les gens ne comptent que sur cela, ils ne fassent plus d'œuvres, ils ne rivalisent plus dans les bonnes œuvres. Le hadith nous apprend donc qu'il est bon d'annoncer aux soumis à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui va leur prodiguer du bonheur parmi les choses mondaines ou religieuses. Ce premier chapitre dans ce livre contient la clarification du sens du tawhid et nous enseigne que c'est le summum des obligations et que c'est la da'wah de tous les prophètes et de tous les messagers alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala ma arsala al-rusula illa lit-tawhid wa ma anzala al-kutuba illa li ajli at-tawhid fa min ajli at-tawhid khuliqat al-khaliqa. Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé les messagers, a descendu les livres et a créé cette création que pour le monothéisme, pour que le culte lui soit réservé exclusivement. يقول ابن القيم رحمه الله التوحيد سبب لصلاح العالم. بالتوحيد يصلح العالم، ما فسد العالم إلا بالشرك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموما وخصوصا، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلامه من بدائع الفوائد. ابن القيم رحمه الله يقول: celui qui médite la situation de l'univers entier, il voit que la bonne réforme sur terre, la cause de la bonne réforme sur terre, c'est le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait d'obéir à son messager alayhi salatu wassalam. Et il dit, rahimahullah, tout mal qu'il y a dans le monde, dans l'univers, toutes ces fitaines, toutes ces tous ces troubles et toutes ces sécheresses et le fait que les ennemis s'accaparent sur la communauté et autres mal, la cause de tout cela, c'est le fait d'être en divergence avec le messager et de vouer le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire la da'wa vers autre que la voix du messager alayhi salatu wassalam, et une da'wa autre que la da'wa vers le monothéisme. Il dit, celui qui médite cela d'une méditation sûre et qui médite cet univers et ce monde depuis son existence jusqu'à maintenant et jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse disparaître ce monde entier et ce qu'il contient, il dit, va trouver que ce soit en lui-même ou que ce soit dans tout ce qui existe, dans toutes les créatures et dans tout l'univers, qu'il n'y a de puissance que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tout le bien est basé sur le monothéisme. Et tout le mal, sa cause, c'est la succession. Regardez ce qui se passe dans le monde musulman. Regardez ces adorations qui se vouent pour autre qu'Allah. Regardez ces bêtes qu'on sacrifie pour autre qu'Allah. Hein? Et regardez comment certains qui sont désignés comme, soi-disant, des hommes de science, mais ce sont les hommes de science du mal, orientent les gens vers l'adoration d'autre qu'Allah et réconfortent les gens dans le fait d'adorer les tombes. Parmi les grands théoriciens de ces tendances, comme les frères, etc., d'Al-Ikhwan al-Muslimin, parmi eux, il y a certains qui disaient, et c'était des grands intellectuels, si la personne trouve son apaisement en étant étalé sur une tombe, laissez-le tranquille du moment qu'il est avec nous. Laissez-le tranquille du moment qu'il est avec nous. Dans certains pays, tu vois le turbané, il est là assis sur la chaise. Devant lui, il y a des gens qui tournent autour des tombes. Ils parlent de beaucoup de choses, de tout ce qui est les péchés capitaux, etc. Mais ils ne bougent pas, ils ne disent pas un mot concernant le polythéisme. Au contraire, il l'approuve. Et il est là, il se saisit. Le culte se vaut pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis cela pour attirer notre attention sur quelque chose de très important. Cette grâce avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Qu'on n'est pas servi par autrui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous, que nous soyons parmi ceux qu'Allah a, qui vouent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela demande de notre part une grande reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance de cette grâce, c'est pas tout simplement de dire louange à Allah. C'est d'accomplir ce monothéisme. C'est de l'apprendre. Et c'est de l'enseigner à autrui. Ce bienfait dans lequel on est et qui jaillit dans notre vie doit jaillir aussi dans notre entourage. Et nous devons être un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala sauve des personnes du feu de l'enfer. Tu imagines si Allah subhanahu wa ta'ala sauve par ton biais quelqu'un du feu de l'enfer, ce que tu auras comme récompense? Regarde, Ali radiallahu anhu arda, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé avant la bataille de Khaybar, il lui a dit vas-y vers eux, hein, et appelle-les vers l'islam par celui qui tient mon âme entre ses mains. Si Allah subhanahu wa ta'ala guide par ton biais un seul homme, c'est mieux que les chamels rousses. Il a donné l'exemple des chamels rousses. Pourquoi? Parce que c'était la grande fortune des Arabes à cette époque. Hein? Mais ce n'est qu'un exemple. Sinon, les délices qui attendent, les monothéistes, et ceux qui font triompher la religion d'Allah, et ceux qui appellent à la religion d'Allah, ne peuvent pas imaginer les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. C'est tout cela, ils l'accomplissent dans la sincérité et dans le suivi. فَأَمْرُ التَّوْحِيدَ أَمْرُهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ بِمَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَكْرَمَنَا بِهِ يَجِبُ أَنْ نَعْتَرِفَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَأَنْ نُوَحِّدَ اللَّهَ وَأَنْ لَا نَقْتَصِرَ عَلَى أَنْفُسِنَا أَنْ نَدْعُوَ مَنْ حَوْلَنَا إِلَى هَذَا التَّوْحِيدِ فَكُلُّنَا يَرَى مَا يَجْرِي حَوْلَنَا وَكَيْفَ النَّاسُ تَعْتَقِدُ فِي الْكُهَّانِ وَتَعْتَقِدُ فِي السَّحَرَةِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ وَكُلُّ هَذَا نَذِيرُ شَرٍّ على الإنسان في حياته وبعد مماته. فواجب علينا أن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا تجاه هذه النعمة. يفوق خيرنا الله سبحانه وتعالى ها que on œuvre dans ce sens-là. Mais œuvrer dans ce sens-là par le meilleur des moyens et par les meilleures expressions, en étant sage, en mettant les choses à leur place. Hein? En mettant les choses à leur place. Hein? Il faut avoir de la compassion pour les gens. Hein? Et de la clémence pour eux. Parce que c'est une situation dans laquelle beaucoup se trouvent qui est très dangereuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui entendent la bonne parole et qui la mettent en application. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.